démon. Sais-tu que c'est toi qui mérites la médaille d'or des Jeux Olympiques de mon cœur? Est-ce que tu le sais? Un British photon à Belgique. Chris Ibanga Production. Natacha Baramoto. Roger Miwa. Bobette Moutou, Maman Nakeina. Horizon Masamba. Elenga koloba na yo elati nzotoko ekomi lokola loboko ya kareseo kitoko na yo emelisi ngai mpema nzoka nde bamile fili osala prisesi dodo wete mobo na Bruxelles mongongo na yo edeklanshe nga shimi ya desir. J'en évite ma vieille danse à l'iboma. Amélissa yo, biberon. Et tapeya, zotonangaï, ani dembo. Les spéciales Jean-Dominique Okemba. Qui est si tout si chop, ami. Aboko na yo, elle est niye, tete. Général Dengue, l'homme qui fait la paix. Na komi no pise. J'ai l'impression comme si bateau ne sort tout autour de moi, façon comprendre. Et puis un sentiment comme un souyouka. Bati moubenga au ciel. J'ai l'impression comme si bateau ne sort tout autour de moi, façon comprendre. Et puis un sentiment comme un souyouka. L'ambassadeur qui jabronne, l'aussi assassin. Jonathan Yaoubou-Pierre, l'amour a des raisons que la raison ignore. Eddie Delicity de la carte qui gagne. Mi la pena con mi soy yo soy Dominique Sandra Maïel et Sylvie Cameron. J'ai retrouvé pour la caresse un peine à sentiment. Nabaki si bolingo na sang à caprice. J'ajoute encore par maman bon d'amour. Si maman m'a na kota ndoto ya bolingo na sentiment ya chimie du désir. Sopanga bato mokili te papa lutuka olobini na oyoyoki.